Le comité de souvenirs des grands dirigeants Kim Jong-il est constitué le 12 décembre à la succursale du territoire maritime du Conseil des femmes de toute la Russie, Espérance de la Russie, alors que le comité de souvenirs du camarade Kim Jong-il est organisé le même jour à la filiale du territoire maritime de l'avant-garde de la jeunesse, organisation sociale de toute la Russie, sous l'égide du parti Russie Unie. Les comités ont décidé d'organiser à l'occasion du 5e anniversaire du décès du dirigeant Kim Jong-il des cérémonies politico-culturelles à l'éloge de sa vie révolutionnaire sacrée et de ses exploits mortels. Par ailleurs, le comité de souvenirs libyen consacré au 5e anniversaire du décès de son Excellence M. Kim Jong-il, grand dirigeant, a été constitué le 11 à Tripoli.